va prendre place maintenant la communication de Stéphane Castelluccio. Alors Stéphane Castelluccio n'est pas parmi nous physiquement aujourd'hui parce que suite à un petit télescopage de calendrier, Stéphane Castelluccio est en ce moment même en train de parler à un colloque à Potsdam. Mais heureusement, ce double emploi du temps a pu être anticipé et Stéphane Castelluccio, que nous avions sollicité pour participer à ce colloque, a tenu, et je l'en remercie très vivement, a tenu à rédiger une communication qu'il m'a chargé de vous lire. Il a même préparé un fichier PowerPoint avec toutes les illustrations. Donc je vais tâcher de me faire son porte-parole pour cette communication. Alors Stéphane Castelluccio est chargé de recherche au CNRS. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages sur le château de Marly. Il s'est penché notamment sur le château de Marly au temps du règne de Louis XVI. C'est cet ouvrage édité par la RMN d'ailleurs qui se trouve dans le vestibule. Il a écrit aussi des articles concernant, j'en passe, hein, sur le théâtre de Marie-Antoinette à Marly, le décor peint des vestibules du salon et de l'appartement du roi. Et il prépare pour la fin de l'année un ouvrage aux éditions Gourcuff-Garnigo intitulé « Sire Marly, le château de Marly de Louis XIV à Napoléon Ier ». Donc c'est un ouvrage auquel il est en train de mettre la dernière main et qui paraîtra, si tout va bien, mais normalement c'est bon, à l'automne prochain ou au début de l'hiver. Voilà, donc je pense malheureusement que je ne serai pas à même de répondre aux questions que vous seriez amené à lui poser s'il était physiquement présent parmi nous, mais je pense que vous pourrez éventuellement nous adresser les questions et que nous nous chargerions de lui transmettre, bien entendu. Donc je vais procéder maintenant à la lecture de l'intervention de Stéphane Castelluccio. Alors, étiquette immobilier à Marly pendant le règne de Louis XIV. Pour les hommes des XVIIe et XVIIIe siècles, la bienséance constituait l'un des fondements des relations sociales. Furtière la définissait comme, je cite, « ce qui convient à une chose qui lui donne de la grâce, de l'agrément. Il faut en toute chose observer les bienséances ». Fin de citation. Outre la civilité, la bienséance imposait par des règles souvent tacites, admises et partagé par toute la société, un degré de richesse qui témoignait du rang social de la personne, expression d'autant plus importante dans une société pour laquelle le paraître signifiait l'être. Cet usage s'appliquait à tous les signes extérieurs visibles en société, le carrosse, les vêtements, la résidence et son ameublement. Louis XIV fit ainsi des résidences royales l'expression du prestige de la fonction monarchique. Cependant, toutes ne jouaient pas le même rôle dans la vie de la cour et leur décor et leur mobilier témoignaient de ces différences. À Marly, se mirent en place les usages qui influencèrent les décors et l'ameublement des résidences royales de campagne construites postérieurement. Versailles était le siège officiel de la monarchie, avec tout ce que cela représentait de volonté, de représentation et de pompe, afin d'être digne de ce que les contemporains considéraient comme la première dynastie d'Europe par son ancienneté. En revanche, Marly a été bâti et meublé dans un but précis et défini dès l'origine, une résidence de campagne dans laquelle le roi se retirait avec quelques courtisans choisis et privilégiés, sans aucune notion d'apparat et de représentation, cette maison n'étant pas destinée à jouer un rôle officiel dans l'expression du prestige du roi de France. Parallèlement, l'installation de la cour à Versailles entraîna un développement spectaculaire du mobilier, désormais placé à demeure et non plus transporté à chaque déplacement de souverain. Cette stabilité nouvelle entraîna, pour les différents types de meubles, une adaptation de plus en plus grande au lieu pour lequel ils avaient été commandés et surtout un respect des bienséances pour l'expression du rang de la couronne de France et de celui de la résidence dans la hiérarchie des demeures royales. À l'intérieur, alors là, ici, on a la coupe de 1714 qui est conservée aux Archives nationales. Donc on voit le salon central et la coupe sur les appartements, sur les deux niveaux du pavillon royal. À l'intérieur, seuls les espaces communs, soit les quatre vestibules et le salon, reçurent un décor de stuc et de boiserie enrichi de sculptures. L'emplacement du salon, au centre du pavillon royal, son volume, qui occupait toute la hauteur du pavillon, et son décor sculpté, le plus riche, en marquait l'importance dans la vie de cour à Marly, au point d'en devenir le symbole. Le rang social des occupants s'exprimait par la localisation de leur logement. Au rez-de-chaussée du pavillon royal, logeaient les souverains et le frère du roi et son épouse. L'attique recevait les autres membres de la famille royale, jusqu'aux petits-fils de France et leurs services. Les petits pavillons se voyaient réservés aux invités du roi. Enfin, les communs abritaient le personnel des différents services. Dans chaque angle, les quatre appartements du rez-de-chaussée, donc à droite, on a le plan de 1686-98 conservé aux Archives nationales, représentait une distribution réduite à l'enfilade minimum classique, antichambre, chambre, cabinet. Ni l'emplacement, ni une distribution plus développée, comme l'a montré Dominique Adrian, distinguait l'appartement du roi des trois autres, tradition héritée des résidences de chasse du XVIe siècle, comme Chambord ou Madrid. Le décor se limitait à un balambris de panneaux de menuiserie moulurée. Alors voici l'élévation du mur sud de la chambre du roi, cette élévation également conservée aux Archives nationales. Donc une boiserie, un balambris de panneaux de menuiserie moulurée surmonté d'une tenture d'étoffe. Une cheminée de marbre et un tableau en dessus de porte constituaient les seuls décors de ces pièces. À l'attique, alors c'est le plan situé à gauche. Les appartements ne comprenaient qu'une antichambre et une chambre, un salon prenant place au-dessus de chaque vestibule. Comme pour le rez-de-chaussée, le décor se limitait à un balambris de panneaux de menuiserie moulurés surmonté d'une étoffe. En revanche, les cheminées étaient de pierre, cet appartement étant destiné aux membres plus éloignés de la famille royale ou à des personnes de leur service. Nous allons évoquer maintenant le premier ameublement de 1683-1688. Le premier mobilier disposé en 1683 marquait une volonté évidente d'uniformisation avec des ensembles identiques pour des espaces remplissant une même fonction. Ainsi, des banquettes et des tabourets, soit des sièges d'antichambre couverts de brocart, prirent place dans le salon et les vestibules, ces derniers recevant de plus deux tables au pied de bois sculpté et doré surmontées d'un plateau de marbre. Voici une gravure avec une table du mobilier national déposée actuellement à Versailles dans le salon de Mars. Les quatre appartements bas reçurent chacun un mobilier d'une composition identique adaptée à la fonction de chaque pièce, distinguée seulement par une couleur différente. Voici de retour ce plan des Archives nationales, avec du damas rouge pour le roi, vert pour la reine, aurore pour monsieur et bleu pour madame, princesse palatine. Chaque antichambre abritait quatre banquettes et chaque cabinet avait reçu un lit de repos et 12 pliants. Dans chacune des chambres prit place l'ameublement standard de ce type de pièce avec un lit, deux fauteuils et 12 pliants. Pour les appartements de l'attique et des petits pavillons, des ensembles également de composition identique se retrouvaient dans les antichambres et dans les chambres, mais avec une tenture de brocatelle, étoffe de coton et de soie, et un ameublement de damas de couleurs différentes. Aucun meuble d'ébénisterie n'avait été commandé. Seules des tables encadrées d'une paire de guéridons et des miroirs complétaient le mobilier d'étoffe. Ainsi, le premier ameublement de Marly se composait d'ensembles simples, voire austères, classiques et interchangeables, essentiellement composés de mobilier d'étoffe peu coûteux, comme il convenait à une résidence de campagne pour laquelle Louis XIV ne souhaitait pas faire de dépenses inconsidérées. Les étoffes marquaient discrètement une certaine hiérarchie, du damas de soie, c'est-à-dire une matière noble, mais l'étoffe la plus simple, pour les souverains, monsieur, madame, l'appartement du roi recevant le meuble cramoisi, couleur royale, seule distinction. De la brocatelle pour les tentures des appartements d'invités, tandis que les écuries et les autres espaces de service avaient reçu des meubles de coton. Cet ameublement contrastait avec la richesse des brocarts de soie, d'or et d'argent, des sièges des vestibules et du salon, étoffe a priori déplacée pour de telles pièces servant de passage et d'antichambre. Cependant, les vestibules et surtout le salon étaient considérés à l'égal du grand appartement de Versailles et accueillaient la vie sociale des invités à Marly. Leur ameublement se devait d'être digne tant de l'hôte royal que des personnes qu'il recevait. Quant au second ameublement de 1688, c'est en février 1688 que Louis XIV fit placer dans les quatre appartements du rez-de-chaussée des lits de brocart en alternance avec ceux de damas déjà en place, tout en conservant les couleurs différentes. Le principe d'étoffe alternée, qualifié de mi-partie, remontait au Moyen-Âge et n'était pas propre à Marly. Il se retrouvait parallèlement à Versailles, dans l'œil de bœuf, la chambre du roi, le cabinet des tableaux, le deuxième salon de la petite galerie, le cabinet des nobles et la chambre de la reine. Cette alternance évitait l'impression de splendeur qui eût paru excessive pour une résidence de campagne, contrairement à Versailles où l'ameublement de la chambre du roi associait deux brocarts différents. Décors et mobilier des appartements du pavillon royal ne subirent aucune modification majeure jusque vers 1695. À partir de cette année, l'uniformité des ameublements disparut progressivement en raison du changement de sensibilité de Louis XIV, de son goût de plus en plus prononcé pour Marly et des contraintes pratiques imposées par l'évolution de la famille royale. En effet, la génération des petits-enfants du roi avait désormais atteint l'âge de participer au séjour de Marly, soit 14 à 16 ans, avec particulièrement le duc et la duchesse de Bourgogne. Puis les disparitions successives de Monsieur en 1701, du Grand Dauphin en 1711, du Duc et de la Duchesse de Bourgogne l'année suivante, puis du Duc de Berry en 1714, entraînèrent des changements d'attribution des logements et l'adaptation de leur ameublement au rang de leurs nouveaux occupants. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui absorbait tous les crédits et les circonstances économiques difficiles, n'autorisait aucune construction de grande ampleur. Aussi, les modifications se limitèrent-elles à la décoration intérieure et au mobilier. Marly devint le laboratoire où s'exprimait le nouveau style naissant avec plus de liberté que dans une demeure officielle. Lorsque Louis XIV était satisfait par les résultats, il les reprenait ensuite dans les autres résidences et particulièrement à Trianon et à Versailles. La nouveauté la plus spectaculaire fut la pose, au cours de l'année 1699, des cheminées dites à la royale, avec un chambranle de marbre assez bas, surmonté d'un haut trumeau de glace. Louis XIV commença par le salon, comme vous pouvez le voir sur ce détail de la coupe de 1714, avec les cheminées, de part et d'autre des portes. Pour compenser la perte de luminosité entraîné par la condamnation de quatre fenêtres à cause du passage des conduits de cheminée, le roi fit percer quatre œils de bœuf dans la voussure, bien visible sur cette coupe. Louis XIV étendit ses modifications aux appartements bas. En voici de gauche à droite les gravures des trumeaux de glace de l'antichambre, donc à gauche, du cabinet d'angle au milieu et de la chambre de l'appartement du roi à droite. Enfin, les appartements de l'attique reçurent à leur tour de tels aménagements, également visibles sur ces détails de la coupe de 1714, montrant des deux pièces de l'attique au-dessus des vestibules. Toutefois, les marbres employés principalement, rouge Languedoc et vert Campan, étaient moins estimés que ceux choisis pour les appartements du rez-de-chaussée. Ainsi, ces modifications enrichirent le décor des appartements du pavillon royal avec l'emploi de matériaux nobles, avec les marbres et les miroirs, les cadres de glace restant peints en blanc, à l'exception de ceux du salon qui reçurent une dorure. Louis XIV en profita pour achever le décor peint et commanda pour les dessus de porte des appartements la dernière série de tableaux de bataille à Van der Meulen et à son équipe, lesquels prirent place dans des cadres de bois doré. Ces modifications ne concernèrent pas les vestibules. Seuls ceux au nord et au sud furent intégrés en mai 1702 à l'enfilade des deux appartements qu'ils desservaient pour leur servir d'antichambre. Un parquet remplaça le dallage de marbre et deux cheminées furent disposées dans chacune de ces pièces, mais sans trumeaux de glace, ornement trop somptueux pour des antichambres. Les changements survenus dans la composition de la famille royale, l'échange en 1694 entre Madame de Maintenon, logée à l'attique, et le Grand Dauphin qui occupait l'appartement de la reine, entraînèrent la mise en place de meubles adaptés au rang de l'occupant du logement et l'abandon des distinctions par leur couleur des appartements du rez-de-chaussée, désormais numérotés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Celui du roi portait le numéro 1, celui de la Reine, le numéro 2, celui au sud-ouest, le numéro 3, et le dernier au sud-est, le numéro 4, numérotation conservée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Jusqu'à son décès, Louis XIV conserva le principe des meubles mi-partis de damas et de brocart pour son appartement et ceux de Madame de Maintenon, de Madame, de Monsieur, du Grand Dauphin et des Ducs et Duchesses de Bourgogne, même si certains d'entre eux s'installèrent à l'attique, comme le Grand Dauphin à partir de 1694, ou Monsieur entre 1695 et 1697. La présence de brocart marquait l'appartenance de la personne à la famille royale proche du roi, Madame de Maintenon représentant une exception notable, tout comme son logement d'ailleurs dans l'appartement de la reine, liberté que Louis XIV ne se permit qu'à Marly, résidence non officielle. Bien que somptueux, la totalité des meubles disposés à partir de 1695 était toujours le résultat de la réutilisation d'ensembles anciens, provenant de Marly ou de Versailles, dont le damas et le brocart étaient retaillés pour être adaptés aux dimensions des pièces et du nombre de sièges. En revanche, l'apparition de nouveaux types de meubles d'ébénisterie dans ces mêmes années entraîna la commande d'ensembles neufs, de commodes, de bureaux et de tables ornées de marqueterie à la dernière mode pour les appartements du rez-de-chaussée. Enfin, l'ultime livraison de meubles pour les vestibules et le salon en 1712 respecta la bienséance pour les ameublements de ces pièces. Les vestibules reçurent des tabourets et des banquettes couverts de savonnerie, étoffes de laine solide qui respectaient les convenances pour des sièges d'antichambre, tant par leur forme que par leur matière. Les tabourets du salon étaient désormais garnis de damas, encadrés d'une bande de brocart. Ainsi, à la fin du règne de Louis XIV, contrairement au premier mobilier de 1683, la richesse des meubles allait croissant à partir des vestibules, puis dans le salon pour culminer dans les appartements du rez-de-chaussée. En janvier 1715, Louis XIV fit renouveler les meubles d'étoffe de sa chambre et de son cabinet, toujours mi-partis et réalisés de brocart, fonds d'or à grand ramage or et argent, liseré de noir et fleurs de soie nuées de plusieurs couleurs, récupérés sur 5 meubles plus anciens. Seul le damas était neuf. Louis XIV fit également enrichir le mobilier des appartements de l'attique, mais à un degré moindre, comme il se devait. En juin 1696, les tentures de brocatelle cédèrent la place à des tapisseries de Beauvais dans un premier temps, le souverain souhaitant sans doute soutenir cette manufacture en ces temps difficiles. En 1701, des productions des Gobelins, plus prestigieuses, les remplacèrent. Ainsi, sur ces détails de la coupe de 1714 montrant deux des pièces de l'attique au-dessus des vestibules, sont reconnaissables les pièces des Tuileries à l'ouest, donc à droite, et de Fontainebleau à gauche, de la tenture des maisons royales, représentée pour les besoins de la démonstration à l'envers, hein, sur les photographies. Les photographies ont été inversées. Dans les appartements de la princesse de Conti et de la duchesse de Chartres, apparurent en 1699 des lits à la duchesse, dont la fixation de l'impérial à la corniche ou au plafond évitait la présence de colonnes au pied du lit. L'essai de cette forme nouvelle n'eut pas lieu dans un des appartements du rez-de-chaussée, mais plus discrètement à l'attique. Toutefois, elle ne séduisit pas Louis XIV, qui conserva le lit à la française à 4 colonnes pour les ameublements de ses chambres commandées en 1715 pour Marly et Versailles. Nous allons passer maintenant au petit pavillon. Comme dans le pavillon royal, les appartements des invités dans les petits pavillons reçurent un mobilier de composition identique selon le double principe de simplicité et d'interchangeabilité. Leurs 6 couleurs différentes, aurore, rouge, jaune, vert, bleu et violet, les distinguaient, comme dans les appartements du rez-de-chaussée du pavillon royal. Une table, flanquée de 2 guéridons, le tout de noyer, complétait chaque ensemble avec un miroir dans un cadre de même bois. À la suite du réaménagement des petits pavillons en 1697-1698 et la création d'une chambre supplémentaire, 11 lits, tous de damas cramoisis, furent livrés. Ainsi apparut un début d'uniformisation consommé en décembre 1712 lorsque tous les meubles des petits pavillons furent remplacés après 30 et 15 années d'usage par des ensembles identiques de damas cramoisis confectionnés à partir des stocks du garde-meuble et d'une partie des ornements du vaisseau destinés au soleil royal pour une prochaine visite de Louis XIV, laquelle n'eut pas lieu, les Anglais ayant auparavant incendié le navire lors de la bataille de la Hougue. J'en arrive maintenant à la conclusion. C'est à Marly que Louis XIV expérimenta de nouveaux principes décoratifs qui connurent des succès à des degrés divers. Ainsi, le souverain reprit les œils de bœuf du salon dans la seconde antichambre de son appartement à Versailles, à laquelle ils donnèrent d'ailleurs leur nom. La disposition des cheminées à la royale, surmontée d'un trumeau de glace, demeura un grand classique dans le décor intérieur jusqu'au XIXe siècle. Enfin, le lit à la duchesse devint le lit d'apparat par excellence. Parallèlement, Marly fut le lieu d'élaboration des règles tacites et des usages qui réglèrent plus ou moins directement jusqu'à la fin de l'Ancien Régime le choix du décor et du mobilier des résidences royales considérées comme de campagne. L'essentiel reposait sur un degré de richesse inférieur à celui du mobilier des résidences officielles, telles Versailles ou Fontainebleau, pour des raisons tant de bienséance qu'économiques. Un riche décor et un somptueux mobilier y étaient aussi inutiles que déplacés, faute d'être vus par le public et les étrangers, et en raison des dépenses qu'ils auraient entraînées, considérées comme mal employées et trop élevées pour un lieu où elles n'étaient pas nécessaires pour l'expression du prestige de la couronne. Dans un premier temps, dans les appartements, le décor était quasi inexistant, avec simplement un balambris surmonté d'une tenture. À partir de 1699, les cheminées surmontées de leurs trumeaux de glace enrichirent les intérieurs. Néanmoins, la dorure se limitait au dessus de porte et était parfois appliquée au cadre de miroir du trumeau de la cheminée, contrairement à Versailles où toutes les sculptures des boiseries étaient dorées. Louis XIV appliqua ensuite ce principe au palais de Trianon. Alors voici le salon de l'œil de bœuf, l'antichambre de l'œil de bœuf que vous reconnaissez. Voilà, donc l'ancienne chambre du roi à Trianon. Et Louis XIV reprend ensuite ce principe dans le salon de compagnie. Alors le salon, ça sera repris par Louis XV, pardonnez-moi, au petit Trianon à droite. Donc voici le salon de compagnie où juste les cadres et les guirlandes surmontant les trumeaux sont dorés. Puis à Compiègne sous Louis XVI. Hein, comme on peut le voir à droite sur cette photographie de l'ancienne chambre du roi. La distinction fut plus subtile pour le mobilier. Le premier ameublement inversait la hiérarchie avec du brocart pour les vestibules et le salon et du damas pour les appartements. Celle-ci fut utilisée jusqu'à la Révolution pour les appartements des petits pavillons. À partir de 1686, la présence de lait de brocart dans les appartements rééquilibra les niveaux de richesse entre les espaces partagés par tous et les appartements des membres de la famille royale. L'arrivée des sièges couverts de tapisserie dans les vestibules en 1712 respecta la progression de la richesse des meubles dans les différentes pièces. Cependant, le degré de richesse restait inférieur à celui des résidences officielles en raison de la présence de lait de damas dans ces ensembles mi-partis et surtout par la réutilisation systématique de meubles plus anciens alors que le mobilier d'ébénisterie était généralement neuf. Cet usage tacite perdura jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avec désormais un traitement différent entre les appartements des souverains et les autres. Le brocart et le bois doré apparaissaient généralement dans les appartements du roi et de la reine, mais restaient de réemploi. En 1765, l'appartement du roi reçut le mobilier jonquille et argent, placé en 1739 dans le cabinet de la pendule et la chambre de Louis XV, la petite chambre de Louis XV à Versailles. 20 ans plus tard, en 1785, le meuble vert et or de cette même chambre et du cabinet du conseil lui succéda également, accompagné des commodes réalisées pour Louis XV à Fontainebleau. Ainsi, peu avant la Révolution, la chambre du roi abritait un ameublement toujours Louis XV. Dans la chambre de la reine, Marie Leczinska vécut dans des tapisseries et un mobilier de brocart datant du règne de Louis XIV. Marie-Antoinette choisit un mobilier neuf, au bois richement sculpté, mais peint en blanc et couvert de basins peints. Le brocart exprimait le rang des souverains qui occupaient ses appartements à un coût moindre, alors que le mobilier de Marie-Antoinette, sous une apparence de simplicité, coûta plus cher car il était neuf et richement sculpté. En revanche, au cours des règnes de Louis XIV et de Louis XV, les petits cabinets des souverains et les autres appartements du pavillon royal recevaient un mobilier simple, généralement de damas, et des meubles d'ébénisterie moins riches que ceux destinés à Versailles, mais neufs et à la dernière mode. Ces ensembles relativement peu coûteux restèrent en place jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, avec des compléments et des remplacements entraînés par l'évolution de la famille royale, mais en respect de cette simplicité. Ainsi, à la veille de la Révolution, les appartements du pavillon royal étaient meublés avec les ensembles accumulés depuis le règne de Louis XIV, particulièrement les meubles d'ébénisterie, dont la réutilisation et l'emplacement dépendaient directement du rang de l'occupant de l'appartement. Ainsi, les deux commodes Louis XIV de la chambre du roi partirent en 1785 pour la chambre de la comtesse de Provence. Les usages mis en place par Louis XIV laissaient suffisamment de marge de manœuvre pour respecter la hiérarchie des diverses résidences royales, l'évolution des modes et les goûts des membres de la famille royale. La souplesse de ces règles tacites permettait leur adaptation à la fonction de la maison royale concernée, non officielle comme le château de Trianon ou officielle telle Compiègne, de l'usage qui en était fait et du goût du souverain. En les fixant par écrit, Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray, nouveau directeur du garde-meuble de la Couronne en 1784, fit perdre à son administration sa capacité d'adaptation et aux membres de la famille royale une part de liberté. Au nom de Stéphane Castelluccio, je vous remercie.